À l'approche d'une intersection, il est toujours recommandé de ralentir. D'autant plus quand elle est située, comme ici, dans un sommet de côte. Les balises mettent en évidence l'intersection, mais n'indiquent pas le régime de priorité. On aperçoit un panneau et une ligne de « Céder le passage ». Cela veut dire que je suis sur l'axe prioritaire. Je n'ai donc pas à céder le passage à la voiture venant de droite. Pas plus qu'à la camionnette qui veut tourner sur sa gauche. Réponse B et D.